بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 12e leçon, 2e partie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan illa yawm ad-din amma ba'd. نقول الأسئلة من درس أمس. متى وصل الحسين؟ وصل أمس. كم يوم بقي علي في مكة؟ بقي في مكة ثلاثة أيام. لما لا يريد الزبير أن يجلس تحت المروحة؟ لا يريد لأن المروة مرحة مروحة يضره. أين سافر المدرس في عطلة الصيف؟ سافر إلى الفلبين. كم لبث في كوالالمبور؟ لبس يوما أو بعض يوم. كنا كذلك استخرج ما في درسي من ظروف الزمان والمكان. هل يدخل داخل على المبني والسؤال؟ قال ذلك. هذا هو السؤال الثاني هذا التي مبنية. أنت يجب عن هذا أن تفتفل ثاني. في اليوم متى ماذا في اليوم كيف في اليوم هذا ظرف مضاف إلى ظرف لا أين المضاف متى نعم قبل نعم أمس نعم يوم نعم ثلاثة أيام هناك يعني ثلاثة أيام ما هو الظرف هنا هناك البارحة أمامك العام الماضي العام ثبت نعم حيث تحت خلف لدي في العطلة هذه السنة قبل في واحد أين؟ نعم طويلا ثم طويلا ما هو ظرف طويلا ما هو ظرف صفة هذا ما يدخل في التمارين ثم نعم ثم يوما بعض نعم يوم بعض فقط بعض قبل قبل طيب الآن من هذه الظروف ما هي التي هي مبنية متى نعم حيث قبل قبله لا أمس نعم أمس أين قبل هناك نعم أين قبل ذكرته قبل أنت هذا لا قبل أين في واحد ذكرته تريد ترى صمت له بيدو حيث حيث نعم سمخ بعض حيث الآن كل حيث هناك بعض حيث أين نعم ثم ثم نعم و وبقي واحد أين لا ثم وثم ذكرهما نعم نعم قد وتحت وخلف سي جدا لا ليس مبنية طيب استخرج من منه كلمات نابت عن الظرف عندك عندي لا. ثلاثة أيام العدد العدد هذه السنة اسم إشارة بعض يوم مضاف إلى ظرف واحد آخر طويلا لا أخب طيب الظرف ما هو اسم منصوب لزمان أو لمكان بتقديره في نعم بتقديره في ويسمى أيضا ب لأن أخرى نوم ونحن نقول كمان اسم مكان أو مفعول في مفعول في ومنهما ومملي ومنهما ومغرب طيب ما هي الأشياء التي قد تنوب عن الظرف هذا اسم إشارة اسم إشارة صفة صفة اسم إشارة صفة مضاف إلى ظرف الذي يدل على جزئية كلية وعدد طيب تمام حتى الستة أنت ماشي حتى ثلاثة جمل تحوي كل واحدة منها عددا نائب عن الظرف مشينا في سفرنا أربعة أيام بقيت وحدي خمس ساعات سأشتغل أربعة أصابع قبل رمضان أصابع أنت هذه ثلاثة جمل تحقيق كل واحدة منها اسم إشارة نابع عن الظرف رجعت هذا اليوم مكثت تلك أشهر وحج تلك أيام طيب طيب هل تدخل في باب لو لو يسمى بحرف امتناع لامتناع هذا ما افتتح الترجم يعني النتر يعني ان بارتيكول دستوب ابستنسيون يعني بارا مترجع اصلا لو تترجع بار سي مي سي با لا بور كيل سي ان فرانسي اون دي سي تو سكي كونديسيونيل اون دي سي اون ا تا بليزيور تا ان T'as là où, t'as Iza, t'as Izma, et dans des sens différents. Là, ce là-haut-là, il implique un sens d'une chose qui ne s'est pas passée dans le passé. Adawa, laisse à l'eau, Mathalène. Si tu fais ça, je fais ça. Là. Adawa, il me chartia. Amala, natakalem nahlo, elle est natakalem fi là-haut. جاء في بعض كتب كفي كتاب توحيد تحريم استعمال لو فاجئ تشيزي لو مثلا كفي قوله تعالى يقولون لو كان لنا شيء من الأم ما قتلناها هنا dont ils se sont rapprochés seraient, ils dirent que si nous avions quelque part dans l'affaire, nous n'aurions pas été tués à ce moment-là. Ou également, qu'avait-il été Allah, Allah n'a qu'à l'ou l'ikhwanihim, ou qu'à l'ou l'ou atarouna, ou ma koutilou. Également, qui est que si ceux qui furent restés dans leur maison dirent à leurs frères, si nous avons obéi, nous n'aurons pas été tués. Ou également, dans le hadith Abi Huraira, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi Sahih Muslim, qala, al-mu'min al-kawi, ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, wa fi kulli khayr. فاحرص لما ينفعك ولا تعجز واستعن بالله ولا تكل وإذا صابك شيء لا تكل له إني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا فإن الله يفتح باب الشيطان ولكن كل قدر الله ما شاء فعل. Qu'il a dit que le croyant qui est fort est meilleur que le croyant qui est faible, c'est-à-dire au point de vue de l'humain, et que dans les deux il y a du bien, les deux croyants, à partir du moment des croyants, il y a du bien. Voyez, soucie-toi de ce qui te. De ce qui te profite, et ne baisse pas les bras, et recherche de l'aide auprès d'Allah. Et qu'il t'arrive une chose, ne dis pas, si j'avais fait telle chose, il y aurait eu telle chose ou telle chose. Mais dis, ce que Allah a prédestiné, cela arrive. Il fait ce qu'il veut. Car le fait de dire si, yannil law, c'est une porte à shaitan. Le law qui est mazmoum dans la aqidah, chez le muslim, c'est le law, le si qui amène à quoi? À contester le destin ou une chose de la charia, ce qui apporte une contestation, c'est l'eau là qui est interdit. L'eau n'est pas interdit mutlaqan dans l'absolu. Il y a déjà eu des hadiths, le Nabi sallam stamala l'eau, il a employé l'eau. Mathalan, fi hadith Abi Huraira, عند مالك وغيره, قال لولا أن شك أشوك عفوا على أمتي لمرت بسواك مع كل صلاة وكل وضوء. Il dit, si je ne craignais pas de faire subir trop à ma communauté, je leur ordonnerais d'utiliser le siwak dans chaque wudu. Quand elle est là ou là. Tu vois bien là dans l'eau là, il ne conteste pas le destin. C'est une chose qui aurait pu avoir lieu, mais qu'il n'a pas fait pour une raison. Qu'il a délaissé pour une raison. Kazalik, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. Si je devais prendre un grand aimé, un grand ami, j'aurais pris Abu Bakr comme grand ami. Il a dit quoi? لو كنت متخذا, si je devais prendre. C'est-à-dire cette chose qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a pas fait pour une raison. وكذلك قال لي عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم يعني لولا حداث قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها Allah Assas Ibrahim. Il a dit, si ton peuple n'était pas nouveau en islam, c'est-à-dire proche encore du Kouf, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais rebâti sur les fondations d'Ibrahim, alayhi salam. C'est un mal à l'eau. Et donc l'eau, tu peux l'employer quand cela n'amène pas de contestation. Les safi i'arad l'il-qadr, ou l'il-shar, ou l'il-réalisa-aliga. Donc là, le law qui concerne le def, c'est ce law-là, c'est celui-là. Law harf imtina l'imtina. Il y en a qui ont dit imtina l'oujoud. Il y a plusieurs noms qui ont été faits. C'est le fait que qu'une chose n'a pas été faite, donc de là, une deuxième chose n'a pas été faite. Et la phrase comporte deux parties. La partie avec law et la partie qui est la réponse. Comme quand tu dis par exemple, si ce n'était pas ça, ça n'aurait pas été ça. La phrase, elle a deux parties. C'est-à-dire, la première partie n'a pas eu lieu, donc de là, la deuxième non plus n'aura pas eu lieu. Adam a une tina, l'oujoud ou une tina. C'est un peu compliqué à expliquer une tina, une tina. Ils ont fait une tina, une l'eau, un ça c'est une terminologie, on ne peut pas tout traduire. Fayakoul, l'eau, harfu imtina'in, li imtina. Tufidu, salasta umur. Elle apporte refus dans trois choses. Awalen et Shartiya, la condition. Thanien, Tukayyid et Shartiya, Bizemel et Mardi. Cette condition n'a lieu que dans le temps passé, au passé. Thalithan, El Imtina, l'abstention, le fait que la chose n'ait pas eu lieu. Ce sont les trois points qui apparaissent dans le sens de là-haut. La condition, dans le passé, et l'abstention. La chose n'est pas eu lieu. Yaqul, مثلاً, لو اجتهدت لنجحت. Si tu avais fait des efforts, tu aurais réussi. بإذنالله. Ajoute بإذنالله. معناه, c'est-à-dire quoi? لم تجتهد, tu n'as pas fait d'efforts, فلم تنجح, donc tu n'as pas réussi. هذا معنى. لو اجتهدت لنجحت. معنى ما اجتهدت فما نجحت. Donc là on voit bien la condition qui est présente, et c'est au passé, il y a eu, il s'est passé quoi? Que l'action n'a pas eu lieu, c'est-à-dire la réussite n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que l'ijtihad n'a pas eu lieu. L'ijtihad n'a pas eu lieu, donc la réussite n'a pas eu lieu. C'est ça l'imtina. يقول يقترن جوابها المثبت باللام. C'est-à-dire la réponse du law. Voyez, la réponse du law, lorsqu'elle est sur un isbet, sur une affirmation, on met un lem. Comme tu vois dans la phrase au-dessus, la ujtahatta, voyez, la najahta. Vous voyez le lem? Non. Ce lem ou le même. Quand la réponse n'a pas de négation. Quand la réponse elle n'a pas de négation, c'est-à-dire elle est affirmée, on met un lem. On met un lem. Oui. Quand la réponse elle n'a pas de négation, on met un lem. D'accord. Là où je t'ai hâte, là j'ai hâte. ويقول ولا يقترن بها جوابها المنفي. Mais si la réponse est la négation, on ne met pas de lem. À la base, on met ma machara. Si tu avais fait des efforts, tu n'aurais pas échoué. مثلاً بإذن الله. فالآن جواب ما هو ما رصدت. Ma رصدت, c'est une négation ou pas? Ma racipta, négation. Donc là, à la base, on ne peut pas le mettre. À la base, on ne peut pas le mettre. Mais des fois, on peut le mettre. Il y a juste. Tu peux dire, là où ijtahadta, la ma racipta. On peut le mettre. Mais le meilleur, c'est pas le mettre. Par contre, celui qui est mousbet, qui n'a pas de négation, celui-là, on le met. Là où ijtahadta, la najahta. On met le lem direct. Personne n'en lire l'homme. Là où ijtahadta, la najahta, t'as coup, là où, harf imtina. L'imtina. Bemni à la sukun, la mahala lahu, mais il y a là. Ijtahatta, firmadi, bemni à la sukun, dissolvi domir. La mahala lahu, mni à la. Wata, domir, mutasib, mni à la fat, fi mahala raf, fa'i. Allem, lem wakia, jawab, lilaw. Bemni à la fat, la mahala lahu, mni à la. Sa harf. Les harf sont pas dira. ونجحت في الماضي مبني على السكون اتصال بالضمير لا محل له من الاعراب وتاء ضمير متصل مبني على فتح في محل رفع فاعل ولا نجحت فسي جواب شرط بلو سايبوس مثلا هذا معنى نعيد ولا يقترن بها جوابها المنفي. C'est-à-dire la réponse qui est négation, on ne met pas de lem. On y a juzu aksuhu wa adakalil. C'est-à-dire il est permis de mettre le lem, mais cela est peu. Alors d'une négation. Tu peux mettre un lem, mais c'est peu. Le plus fréquent, c'est pas de mettre. La salat. Lo samirta kissatahu la bakeita. Si tu avais entendu son histoire, tu aurais pleuré. Fanyen. Quand le mudarrisu li hamid. لو حضرت أمسي ما شكوتك إلى المدير. Donc le professeur dit à Hamid, si tu étais présent hier, je ne serais pas plein auprès de toi chez le directeur. ثالثا هذا طعام فاسد لو أكله الناس لمرضوا. Cette nourriture est périmée, avariée. Si les gens l'avaient mangée, ils seraient tombés malades. رابعا لو رأيت ذاك المنظر لبكيت. Si tu avais vu ce paysage, tu aurais pleuré. خامسا لو عرفت أن الاختبار اليوم ما تأخرت. Là c'est une négation maintenant, donc il n'y a pas de lème. Si j'avais su que l'examen était aujourd'hui, je ne serais pas venu en retard. Voyageuse, un tapoul, kazanik, lama ta'akhartu. On peut mettre le lème aussi. Mais c'est qu'un le os, il m'en fit, an yakuna bidun lème. An yakuna bidun lème. Voyez, biakul, atrid l'eau, an adjoubal atia, ou rayir, ma yerzem. Donc, insère l'eau dans les phrases suivantes et il change ce qu'il nécessite. Je n'ai pas compris la fois. Là où Arafat il n'y a pas de nafi de nom. Il est ma ta'akhartu. Ah, ma ta'akhartu, la ma. Ma ta'akhartu. La ma nafi. Ah non. Ça y est. Le jumel oula, andaki à Babak. Alors, cet enfant m'a frappé, je l'ai frappé. Là où المدرس مسافر ماجد عرفت لو عرفت ان المدرس مسافر ماجد اذا كنت جاوبت سيكو البروف était en voyage je ne serais pas venu. ثالثا لو تاخرت دقيقتين لا لفت لفت فاول اولا نقرا الجمله بدون لا لو ولا ثم تاخرت دقيقتين فاتتني الطائرة. نعم. لو تأخرت دقيقتين لفاتتني الطائرة. Si j'avais tardé de deux minutes, l'avion m'aurait échappé. Il aurait raté l'avion, en fait. Fata, il faut tout, c'est manqué. Raté. سمعت تلاوة هذا القاري بكيت. لو سمعت تلاوة هذا القاري لا بكيت. نعم. Si tu as entendu la récitation de ce lecteur, tu aurais pleuré. خامسا. هنا كان تعجب كذلك. تعجب يعني يقرأه. أيوة هذا المعنى. قرأت هذه القصة ضحكت كثيرا ضحكت كثيرا. قرأت هذه القصة ضحكت كثيرا. نعم. في شبه لفت الهستوار تشوري بوكوي. عرفت أنه يكذب. عرف. إيش؟ فتح الإعراب. عرفت. أيوة الكسرة في المضارع عرف يعرف. أي نعم. عرفت أنه يكذب ما ساعدته. لو عرفت أنه يكذب ما ساعدته. D'ici le qu'il mentait, je ne l'aurais pas aidé. زادت درجاتي بنصف درجة نجحت بتقدير ممتاز. لو زادت درجاتي بنصف درجة نجحت بتقدير لا نجحت لتقديري ممتاز. ثانيا اكمل الناقص فيما يلي. On peut le trouver dans ce qui suit. جمل الاولى لو ثم ما رسبت. رسب c'est échoué. لو رجعت ما رسبت. ما رسبت لو رجعت ما رسبت أي يجوز لا ما رسبت. لو عرفت أنك تأتي إلى المدينة لا ذهب Si j'avais su que tu te rendais à El Medina, je ne serais pas parti. Ça, Alisson ? لو سبحت في السيل لمرضت. Si j'avais nagé dans le torrent, je serais tombé malade. Rabian ? Ma akad tu fi le mat'am la fatat la raka'a. Là, kif. Lou, mada. Lou, nadhhab. Là, madi. Lou, dhahabna ila le mat'am la fatat la raka'a. Non, c'est plus si je ne pas partir au mat'am. Là, c'est ça. Si j'avais été, si on avait été au restaurant, on aurait raté la raka. Ça nous aurait retardé. Thalitha, atri l'law fi jumlatayn, alan yakuna jawabuha fi l'oula musbatan, fi thaniya manfiyan. Andak anta, hat wahida musbata wa thaniya manfiyan. لو اجتهدت لو اجتهدت نجحت هاي فيو trop autre chose dans le livre de prendre trop facile لو لو قرأت كثيرا ل لا أكملت القرآن مثلا حتى واحدة منفية لو حضرت في الدرس ما وجدت تشتغلني طرش بدخولي لو حضرت في الدرس لو ما حضرت في الدرس ما وجدت توك مثلا انت لو امشي للجيم ماضي لو مشيت إلى المسجد لا مشيت معي إثبات نعم طيب يقول من قبل يبنى قبل وبعد على الضم إذا كنت يعني الإضافة لفظا ولا معنى يعني الظرف قبل وظرف بعد parce qu'ils sont tout seuls. T'as vu, mais qu'il n'y a pas d'idafa, ils sont même dit à la dame. Mais ici, ils sont moudaf, t'as vu, ils sont morts là. Qala ta'ala, lillahi l'amru min qablu wa min ba'd. Fawna unzur, qablu. Yani l'ordre appartient à Allah d'avant comme après. قبل هنا دخل عليها فجاء من لكن وممني عظم وفي محل جار وبعد كذلك لماذا لا يكون مضاف إلى كذا ممني هذا لم يكن مضافا بني على الضم مبني إلى مبني على الضم كنت مضاف إلى مضاف إلى طيب يقول تمارين عامة في جنيرو هات مضارع الأفعال الآتية Istakbala qui veut dire recevoir. Istakbilu. Intazara qui veut dire attendre. Mal mudaria. Intazara. Intazara. Safara. Yusafiru. Sa'ada qui veut dire aider. Yusa'idu. Rahaba qui veut dire accueillir. On sent la bonne bienvenue. Rahibu. Makatha qui veut dire demeurer quelque part. Mkusu. Mkusu. Labitha. Madame, qu'est-ce que Makatha? C'est un synonyme. Labitha. Yalbisu. Yalbathu. Yalbathu. Kassaba. Yalbisu. Aïwa. Et Ali sait faire une chose. Ou acquérir quelque chose aussi. Fata. Yafutu. Yafutu. Biskwal Yakulu. Qui veut dire rater. Barra. Nuire. Thanien. Hat Mufrad. Zouar. Zahir. Zahir. Visiteur. Shidad. Shidad. Shidad. Nefus. Hat did darra, le contraire de darra. Darra, c'est Nafa'a. Atrib kul kalimatin mayati fi jumlatin mufida. Ala sama la fal درس الآتي على فقط خالي libre ou vacant جليح blessé استقبل recevoir ضر nuire ساعد aider فات échapper ou rater رحب فعل bienvenue طيب فالدرس اليوم كان يتعلق اليوم ب لو حرف امتناع وقلنا هذا حرف لا تفيد ثلاث أمور الشرطية في الماضي والامتناع وقلنا إذا كان جوابه لو مثبتا يقترن بلم مثلا لو اجتهدت لنجحت وإذا كان جواب منفيا ليس في لم على الأصح أو على الأفضل تكون مثلا لو اجتهدت ما رسبت ويجوز اقتران بلم لما رصدت ايضا كذلك في سؤال طيب الحمد لله رب العالمين